Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Manu pour La Note en chantant. La Note en chantant, votre rendez-vous avec la chanson française. Alors n'hésitez pas à retrouver une fois par mois votre émission. Passez votre soirée avec les plus grandes voix de la chanson française, votre rendez-vous mensuel sur votre radio préférée. Émission numéro 91 pour ce mois d'août. Et oui, déjà le mois d'août, et je vous propose en cette période estivale de faire un voyage. Un voyage un peu dans les pays, un peu dans les régions, mais aussi dans les décennies. Je vous propose, c'est pas vraiment un thème, mais je le propose quand même. On va faire un compte à rebours dans les décennies. Et on terminera l'émission avec quelques chansons cultes aussi, des années 40, 60, voire même 80. Alors, pour commencer cette émission, je vous propose déjà de bien vous caler derrière vos haut-parleurs, votre casque et derrière votre poste, tout simplement. Je vous propose d'écouter ce voyage éphémère. Et mais, voyage éphémère, c'est une chanson interprétée en 2020, c'est assez récent, par Bon Air. La Note en chantant sur Star Power Music. Le bonheur se faufile. Je devance le temps, mes pensées en exil. Je dérive, je rêve à l'envers. Voyageur éphémère, dis-moi jusqu'où peut-on aller trop loin. Notre amour est-il plus fort que nos choix. I feel on everywhere. I'm with you. We can go. Qu'on se fait des vents de liberté aux insouciants reflets. Je vacille, je vis sans repère. Voyageur éphémère, dis-moi jusqu'où peut-on aller trop loin. Notre amour est-il plus fort que nos choix. I feel on everywhere. I'm with you. We can go. Bon Air pour ce premier titre pour la décennie des années 2020 et pour représenter celle des années 2010, la décennie des années 2010. Voici Brassens sur parole. C'est une formation qui reprend justement les plus grands succès de Georges Brassens. Et là, je vous propose pour égayer votre famille, vos amis, vos copains, tout simplement partir en vacances avec les copains, c'est toujours sympathique. Les copains d'abord, allez, c'est tout de suite sur votre radio. Ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il

chevaux que l'on selle, c'est pour retrouver celle qui joue les émigrantes. Ni messieurs de Colbert, ni tous ces ministères n'ont plus d'affaires urgentes. Une rose ne puise au jardin. Une rose, et le roi s'éteint. Chaque chose a toujours une fin. Celle des roses garde les parfums. Le roi solit la foi, la reine la laisse là. Matinée sonnante, elle rit dans son carrosse des serrées et des poses comme une adolescente. Elle s'en va du roi lui qui n'aime plus que lui et sa cour d'intrigante. Le roi solit la foi, les chambellans diront que la lune est distante. Ne plus au jardin, une rose, et le roi s'éteint. Chaque chose a toujours une fin. Telle les roses garde leur parfum. Une rose. Ne plus au jardin, une rose, et le roi s'éteint. Chaque chose a toujours une fin. Celle des roses garde leur parfum. Le roi solit la foi. On continue notre programme musical et après cette température entre le soleil, le roi soleil qui a froid, je vous propose d'une balade direction le Rio Grande avec Monsieur Schmoll, Eddie Mitchell avec ce titre en 1990, hein, dans les années 1990, cette décennie pour représenter cette période de la chanson française, Eddie Mitchell. Claude Moine hein, dans l'état civil. Ça commence comme dans un film noir. Un jeune couple embarqué dans une sale histoire. Ils veulent picher et rechercher. La vie les a changés en marginaux blessés. En cavale, changeant chaque soir, de telle identité, évitant les bars, bête traquée, une seule lueur d'espoir, ça sera. Sans blanchir, sauver. Rio, Rio Grande, jamais une vie sans blues. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tout commence avec mensonges, rêveurs éveillés. Le Mexique est très loin du supermarché. Très très belle chanson, très très belle écoute à vous tous qui êtes derrière votre poste à écouter l'émission La Note en chantant avec votre serviteur Manu. Je vous propose de continuer ce compte à rebours, ce décompte plus précisément. Voici les années 80, la décennie des années 80, et là je vous propose d'aller sous le soleil de Bodega, bien sûr interprété par les Négresses Vertes. Encore La Note en chantant sur Star Power Music. Quel débarras, car avant de fête, tu fais sa voix. Qu'une tempête va déferler sur la mer boire de beaux dégâts. Tonnerre de Dieu, c'est Dionysos. Tonnerre de Dieu, toi, Dionysos. Tu es l'étoile de mon nuit. Aïe, Bodega, Bodega. Brûle mon cœur. Bodega, bodega. Là-bas. Titre emblématique hein, des années 80, parmi beaucoup d'autres, autres titres emblématiques, qui a servi d'ailleurs comme générique de film. C'était la première des bronzés, bien sûr, vous l'avez reconnu, hein, c'est Sex and Son, les années 70, pour représenter cette décennie. Et bien sûr, un titre de Monsieur Serge Gainsbourg, vous savez, celui qu'on surnomme l'homme à la tête de chou. Les années 70, voici la décennie des années 60 qui se pointe ce bout de nez avec cette fois-ci, je vous propose, on avait le froid, le soleil qui avait trop chaud, le roi soleil tout à l'heure, là c'est de la neige, sous la neige, mais où ? Mais tout simplement à Venise, Venise sous la neige, un titre de Jacqueline Dulac. Comme tu m'as conquise dans les rues de Venise, s'organise sous la neige. Comme tu m'as séduite, les rues étaient petites, Venise prise au piège. C'était le temps du givre, mais au café Florian, Musset s'arrêtait souvent des pages de ses livres. L'hiver était bleuté, le vin doux et léger, et nous avions 20 ans. Comme la vie fut belle, j'apprenais les ruelles, Venise sous la neige. Les palais et les places, le banc sur la terrasse, Venise sous la neige. C'était le temps d'écrire, mais au café Florian, amour insolent se contentait de rire. Un hiver tout entier, nous avons écouté battre nos cœurs d'enfants. Ainsi fut notre histoire, et rose, bleu ou noir, je l'ai vécu de même. Pourquoi faut-il si vite que le temps qui palpite sépare ceux qui s'aiment? Aujourd'hui je peux rire, j'ai pleuré si souvent, mais au café Florian, je ne vais plus écrire. Depuis ce temps perdu, depuis que tu n'es plus qu'un nom dans un roman. Continuons notre compte à rebours, ce temps qui passe, on remonte le temps avec cette fois-ci les années 50 pour représenter cette décennie. Je vous propose Lynn Renaud, tout simplement Jacqueline Hinté, dite Lynn Renaud, est une chanteuse, meneuse de revue et actrice française, née le 2 juillet 1928. Et oui, c'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Elle est née à Nieppe et là, je vous propose de la retrouver en chanson. En chanson avec ce titre, Printemps d'Alsace. Dès qu'il la vit, il fut séduit par ses grands yeux et ses 20 ans. Un beau soir en Alsace, au printemps, il s'approcha, elle lui sourit, il l'invita, elle lui dit oui. Un beau soir en Alsace, au printemps. C'est ainsi qu'en valsant, on bâtit un roman. Le jeune homme amoureux en bâtit plutôt deux. Gentille, elle l'écouta, mais ne répondit pas, de peur que son amour ne dure pas plus d'un jour. Elle l'attendit toute l'année avant d'être sa fiancée. Un beau soir en Alsace au printemps. Mais quand il sut qu'elle acceptait, ils échangèrent un long baiser. Un beau soir en Alsace au printemps.

Mais depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet, changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas seul un instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette. Pour conclure l'émission, j'espère que ce programme vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire, hein, tout simplement sur la page Facebook de l'émission, @lanoteenchantant. Hein, vous ne connaissez pas la page Facebook, hein, n'hésitez pas à rejoindre justement la page en la laquant. Hein, vous avez Facebook, bon, ça tombe bien. Même si vous n'êtes pas abonné à Facebook, hein, vous pouvez consulter la page de votre émission préférée. Hein, émission dédiée bien sûr à la chanson française. Alors pour conclure cette émission, et oui, il est déjà temps pour moi de conclure et de vous diffuser un dernier titre. Il est d'ailleurs plus instrumental puisque c'est une reprise par Mario Balestar. Je vous propose cette balade entre Belle Île en mer. Marie Galante, bien sûr, hein, vous le connaissez ce titre. C'était sorti dans les années 80. Allez, très très belle écoute à vous tous. C'est Manu avec vous pour la note en chantant. Voici pour cet instrumental de Belle-Île en mer par Mario Balestar. Et puisque c'est les vacances, on profite encore de ces instants ensemble pour vous diffuser tout simplement la version originale. À savoir que cette chanson de Laurent Voulzy, Belle-Île en mer, Marie Galante, était sortie à l'époque en 1985, mais en face B de ce fameux titre avec Kim Wilde. Vous rappelez, Les Nuits sans Kim Wilde en 1985, sorti en 1er juin 1985 et ressorti cette fois-ci en face A pour ce titre emblématique de vacances. Belle-Île en mer, Marie Galante en face A, sorti en 1986 et en plus un enregistrement en public lors d'un concert en 1994. La note en chantant sur Star Power Music. France, violence, manque d'indulgence par les différences que j'ai. Café léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment. De solitude et d'isolement. Belle-Île en mer, Marie Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mots, c'est lent. Où c'est l'eau qui vous sépare. Comme laisser tout seul en mer, corsaire sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais passer. Ohé, ohé, je le voyais passer, séparé petit enfant. Comme vous, je connais ce sentiment. Voici pour ce dernier titre et tout de suite, c'est le générique. Notre notre générique qui annonce donc la fin de l'émission sur lequel vous avez pu entendre. Et on avait commencé avec Bonheur, avec ce titre Voyage éphémère. Brassens sur parole, cette formation qui reprend justement les plus grands succès de Georges Brassens. C'était Les Copains d'abord, Rolio Iglesias avec Le Roi Soleil à froid, Eddie Mitchell, je vous avais proposé ce titre Rio Grande. Par la suite, c'était les Négresses Vertes avec Sous le soleil de Bodega, Serge Gainsbourg, Sissek Sanson, Jacqueline Dulac avec Venise sous la neige, Lynn Renaud avec Printemps d'Alsace, Bordas avec Ah que la France est belle, Edith Piaf, La Môme avec ce titre Paris Méditerranée, André Bauge avec Aimé Favard pour ce titre Nous avons fait un bon voyage, National 7 avec bien sûr au chant de Charles Trenet bien sûr pour interpréter cette très très belle chanson, un grand classique de la chanson française. Autre grand classique, La Bicyclette par Yves Montand. Et ce morceau, plus instrumental qu'autre chose, mais très très belle chanson aussi, très belle musique. Monsieur Marino Ballester pour Belle Île en Mer. Et bien sûr, pour vraiment bien terminer l'émission, c'était Laurent Voulzy avec la version originale. Marie Galante, Belle Île en Mer, Marie Galante. Ainsi se conclut cette émission numéro 91 de La Note en chantant. Je vous propose de se retrouver le mois prochain, tout simplement. Et oui, déjà, le mois de septembre. Alors, passez de très très bons moments à notre écoute. C'était Manu pour La Note en chantant. Allez, ciao, bye bye.